dormir ce soir. Et pourtant ça me démange, hein. J'ai la tête chargée, entre de brouillards, j'ai besoin d'une vidange. Et je mène ni une vie dangereuse, ni une vidange. Moi je voudrais juste pouvoir changer, m'entraîner en joie immense. Je rêve en fait de tant de choses impossibles. Tu me dis le contraire, c'est parce que je vois dans leur génocide. Les gens sont froids dans leur cœur, ils gèlent aussi. J'ai vu la haine les envahir. À ces moments, plus rien ne se négocie. Pour un rien, ça dérape. Regarde les clashs dans le rap, comme c'est déplorable. Rien ne sonne hip hop à part leur sap. Ils se chamaillent comme des gosses, ouais. Compare leur carrosse, mais leur rime ne bosse pas. Puis surtout pour perdre les bosses, moi. Dans mon coin, je roule ma bosse, je démarre de rien. Et si ça mène nulle part, tant pis, je me serais tapé des bonnes barres. J'aurais rencontré des gens vrais, ouais. Et des gens bien, voilà mon gain. Rien à foutre de jouer les stars. Il suffit d'un rien pour que tout soit cool, pour que rien ne parte en couille, qu'il n'y ait pas d'embrouille, couse. Mais bon, il suffit d'un rien pour que tout s'écroule, pour que tout se pousse les coudes, que le sang coule. Il suffit d'un rien pour que tout démarre, pour faire d'un rêve un cauchemar. On s'aime plus, on se sépare. Il suffit d'un rien pour éclaircir un visage, pour remplir une page. Avec rien, c'est de rien que je démarre, mais de tout que je me démarque. Je ne vois rien dans ce brouillard, j'ai tendance à perdre mes marques. Et c'est souvent les mêmes remarques, ouais. Ton son est trop dark, alors je rétorque que c'est ma manière d'extirper le mal. J'aimerais me faire la malle, mais y'a rien à faire. Je reste attaché à ce coin, à mes potes, à mes frères. Je suis pas vraiment un pro quand on me parle d'affaires. Comprends-moi bien, c'est pas que j'ai rien, mais c'est pas la fête sur mon compte bancaire. Je rêve pas d'être centenaire, ni d'être un grand chanteur. Je n'en ai rien à faire, non, de prendre de la hauteur. Ça fait plus mal quand tu te viens de la face. Un conseil, si tu tentes, fais-toi sponsoriser par Hansaplast. Je ne viens pas prendre ta place, reste dans le fond de la classe. Je me fends la gueule, je répasse, je parle de choses qui m'intéressent, ouais. Je parle de choses qui m'intéressent, ouais. Il suffit d'un rien pour que tout soit cool, pour que rien ne parte en couille, qu'il n'y ait pas d'embrouille, couse. Mais bon, il suffit d'un rien pour que tout s'écroule, pour que tout se pousse les coudes, que le sang coule. Il suffit d'un rien pour que tout démarre, pour faire d'un rêve un cauchemar, ouais. On s'aime plus, on se sépare. Il suffit d'un rien pour éclaircir un visage, pour remplir une page. Avec rien, ouais. Et s'il n'y a pas de titre, ce drac ne tracasse pas. Si tu ne sais pas quoi dire, un conseil ne jacasse pas. Tu veux te faire ta place, mais on n'a rien sans rien. Retiens bien qu'on est rien, que tout démarre de rien. Ça fait beaucoup de rien, mais je n'en ai rien à foutre. J'ai rien à perdre, rien à gagner, rien à envier, rien d'un fou. Non, retiens juste que j'en ai rien à foutre. Juste que j'en ai rien à foutre.